L'actualité à Nancy et ailleurs. Michel Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Crédit Municipal de Nancy et avec l'Université de Lorraine, vous organisez le samedi 25 juin une grande vente aux enchères solidaires, une manifestation qui va donc se dérouler dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l'idée d'organiser un tel événement ? Est-ce que c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. À Nancy, c'est certain et au niveau national, c'est probable. L'idée, elle est venue d'une opération qu'on avait menée l'année dernière qui consistait à donner une aide financière directe, on a appelé ça un prêt d'urgence sociale, aux personnes touchées par la crise, les conséquences de la crise du Covid. Et ces personnes, à l'occasion de ce prêt, étaient venues déposer des petits objets qu'ils nous avaient laissés et on leur avait accordé 200 euros gratuitement, qu'ils n'avaient évidemment pas remboursé. On avait décidé que ces petits objets, on les mettrait en vente pour une bonne cause. Et donc, c'est cette opération-là qui, forcément, n'avait pas pu se faire pour des raisons sanitaires l'année dernière que nous mettons en place cette année. Donc, on va mettre en vente ces objets récupérés, quelques objets aussi venant de l'Université de Lorraine, qui, comme vous l'avez dit, est notre partenaire sur cette opération, et notamment la licence professionnelle droit de l'immobilier. Il y a une trentaine d'étudiants qui travaillent avec nous sur ce projet, hein, c'est aussi un des volets de ce projet. Et puis, et surtout, et c'est la phase dans laquelle nous sommes engagés maintenant, nous avons lancé un appel à dons auprès de particuliers, d'entreprises, d'associations, d'artistes, enfin de tous ceux qui seraient disposés à nous remettre gratuitement des objets dont ils n'ont plus l'utilité, qui pourront être vendus à cette occasion-là. Et je précise que l'intégralité des recettes de cette manifestation reviendra à trois causes qu'on a déjà identifiées, l'une consistant à aider une association qui s'appelle le Bazar Alizette, qui fait de l'aide aux démunis, qui aide des étudiants précaires, des ménages en difficulté, des familles monoparentales. Ils ont consacré une partie de l'aide récemment à des réfugiés ukrainiens. Le deuxième volet que l'on va soutenir à travers cette opération, c'est l'aide. Alors là, on travaille avec la Fondation de l'Université de Lorraine et du CHRU, qui a lancé une action d'aide aux étudiants de l'Université de Lorraine victimes de la guerre en Ukraine. Et puis le troisième volet de notre aide ira à une association qui s'appelle Escobam, qui fait de l'aide scolaire aux enfants et adolescents hospitalisés à l'hôpital des enfants à Nancy. Trois associations qui seront bénéficiaires donc de cette grande vente solidaire, grande vente aux enchères du 25 juin. Donc suite vraiment à cette opération que vous aviez lancée l'année dernière, ce prêt d'urgence sociale qui était là aussi une nouveauté. Hein. Tout à fait. Et qui avait rencontré un succès. Vous aviez pu aider aussi notamment des étudiants qui pouvaient être bénéficiaires de ce prêt. Ah oui, tout à fait. On avait travaillé d'ailleurs avec notamment l'Université de Lorraine, ses services sociaux et puis d'autres. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants étaient venus spontanément. Oui, c'est une opération qui avait bien marché à tel point qu'on avait dépensé l'intégralité du budget que l'on avait consenti à l'époque. Hein. C'était plusieurs centaines de prêts d'urgence sociale qui avaient été attribués, qui ont permis, parce qu'on en a fait le bilan avec les bénéficiaires et avec les organismes avec lesquels on avait travaillé, qui avaient permis d'aider directement, hein, puisque c'était vraiment une attribution immédiate de l'aide, qui avait permis aux personnes de payer une facture, d'aller faire des courses, etc., etc. Cette vente aux enchères du 25 juin, elle est ouverte à tout le monde ? Tout le monde peut y participer ? Oui. Oui, bien entendu, elle sera ouverte à tout le monde. Alors, dans la limite, comme on dit, des places disponibles, je crois qu'on a prévu une configuration avec la mairie, hein, qui met gracieusement ses grands salons à notre disposition, il faut aussi saluer. La configuration permet d'accueillir environ 300 personnes. C'est une vente qui sera officiée par Maître Sylvie Tedgen, hein, qui est c'est le commissaire-priseur à Nancy, avec laquelle on a l'habitude de travailler. L'ensemble des modalités, on a déjà des personnes qui sont inscrites pour la vente, c'est déjà possible de s'adresser au crédit municipal pour ça, mais on fera en temps utile une information sur la partie participation et achat lors de cette vente. Là, on en est vraiment sur la phase appel à dons d'objets. Et j'ai vu que le 29 avril, vous organisiez une permanence expertise gratuite justement concernant ces voilà, objets que vous attendez. Oui. Maître Tedgen sera présente au Crédit Municipal de Nancy le vendredi 29 avril de 10h à midi. On y accueillera l'ensemble des personnes qui souhaitent faire un don d'objet. Donc, comme ça, elle sera présente pour expertiser la valeur de ces objets. Et est-ce que le prêt d'urgence sociale qui est à l'origine, hein, de cette vente aux enchères aujourd'hui, est-ce que ce dispositif va être renouvelé ? Je peux pas vous dire, on essaie, hein, Crédit Municipal, c'est un organisme à vocation sociale de la ville de Nancy. On essaie régulièrement de faire des opérations qui vont dans le sens de cette vocation sociale. L'année dernière, c'était le prêt d'urgence sociale. Auparavant, il y a eu d'autres opérations. Cette année, c'était la vente aux enchères solidaires. Après, on décidera si on remet en place une telle aide ou si on va sur d'autres opérations. Tout le champ des possibles est ouvert. Donc, si on a des objets bien proposés pour cette vente aux enchères, on vous contacte directement au Crédit Municipal de Nancy. Oui, Crédit Municipal de Nancy, on a installé 10 rue Callot, 03 83 17 85 85. Le mail, c'est contact@creditmunicipal-nancy.fr. Voilà, on a un site internet aussi, creditmunicipal-nancy.fr, où il y a aussi toute l'information par rapport à cette opération. Merci beaucoup, Michel Combe. Je vous en prie, merci de votre intérêt. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.